Yeah. Oh. Trois chemins, j'ai pas appris sur le parking. J'vois Brad Pitt, faut qu'on casse un tête. Fuck, devenu ce que je dois être. Doc, noir et coupe, j'arrête. Être amoureux, c'est pas rentable. Aujourd'hui, c'est MOB. J'aurais pu vriller pour une pussy comme l'élève de Kenobi. J'touche du bois comme les bénisse. Plus jamais j'bosse dans le froid pour Uber Eats. Ils ont parlé mal de moi, ça m'a rendu voir. God bless, que Dieu les bénisse. J'ai mis deux fois pour que tu comprennes bien. J'suis les deux frères dans Brothers. J'ai un autre visage sous la casquette, comme dans Harry Potter. Elle m'a dit, on dirait que t'es plus vieux. C'est normal, c'est des années de chien. On est des hommes, on a fait de l'oseille. On se plaint pas, mais on sera jamais assez bien. Whisky, coca, bitch sous coca. C'est comme si je cherche de l'eau dans le désert. Le monde autour s'écroule, mais j'suis résilient. J'ai la grosse épée dans Berserk. Lame ass boy, what you sell? J'suis RF comme le prince des Saiyans. J'ai peut-être raté, mais au moins j'ai essayé. Sale bouffon, ça y est. Faudra plus me parler d'émotion, plus d'émotion, elle est partie, elle reviendra pas. L'impression que je suis mort et que je suis revenu comme si je suis Saint-Lazare. Mental prison dans ma tête, c'est si sombre. Mets 30 hommes dans la forêt, on suivra celui qui va tuer le bison. Cette année, je serre les dents. Fuck le club des 27. Je suis dans la rue, je vois que des ombres. Comme si je suis dans Prince et Princesse. Je sais qui je suis, rien à foutre leur avis. Faudra bien plus que ça pour que je me ravise. La dépression arrive par en dessous comme le kraken qui entoure le navire. Je peux plus compter les journées à vide. Ce soir je dors pas, je fais le tour de la vie. Mon œil ne pleure pas, je suis comme Burna Boy. J'ai dû dire au revoir à l'amour de ma vie. Je noie ma peine, je m'en rappelle après. Je suis pas prêt pour la paix encore. Les autres savent pas ce que ça me coûte cette vie. Ça fait des années que je suis pas très en forme. 2h du match, fous à la salle, c'est le seul moment où les voix se taisent. Ils écrivent des trucs, ça me fait bailler fort. Je fais même pas d'efforts, j'en efface 13. Descendant de Russe, nos familles. Chevalier d'or et cornaline. Pro, les ronds sont pas décarrés. Y'a des choses qu'il faut pas qu'on normalise. Dans mon cœur y'a pas de mélodie. Le rap c'est tout ce que j'ai. Je me sens comme le duc en vrai. Coronesse parole, c'est tout ce que j'ai. Et je me rappelle pas t'avoir demandé ce que tu ferais si t'étais à ma place. Pris pour le meilleur, prêt pour le pire. Relons jamais, je sors sans la carapace. Je vais là où tout a commencé, comme le souvenir d'un meurtre. Je préfère mourir les yeux ouverts plutôt que de vivre aveugle.